الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين فمن آداب حضور المساجد أخذ الزينة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والنهي عن حضور المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته رواه البخاري واستحباب التبكير إلى المساجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه رواه البخاري ما يقال عند الذهاب للمسجد الدعاء لمن يذهب إلى المسجد قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا الحديث متفق عليه ما يقال عند الدخول والخروج من المسجد عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه أداء ركعتي تحية المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس الحديث رواه البخاري وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أي يخففهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين وبعد. Parmi les bienséances, les bonnes manières à entreprendre pour celui qui va à la mosquée, pour celui qui se rend à la mosquée, de mettre sa bonne parure, d'être présentable, d'avoir des beaux vêtements propres et être qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ô vous les fils d'Adam, les enfants d'Adam, prenez vos parures dans chaque mosquée ou alors pour chaque prière. Lorsque vous allez accomplir la prière, venez à la prière en étant présentable, dans le sens islamique du mot. L'interdiction de venir à la mosquée alors qu'on a une mauvaise haleine due à la consommation d'oignons, d'ail ou autres légumes ou aliments qui en ressort, qui en découle une mauvaise haleine, pour ne pas nuire aux anges et ne pas nuire aux musulmans qui seront à tes côtés dans la mosquée. Ceci concerne des aliments qui sont permis, autorisés. Que dire lorsque cela concerne des substances qui sont interdites, formellement interdites en islam, comme les drogues, comme le cannabis, comme la cigarette et autres choses qui sont interdites en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne de nous, qu'il ne nous approche pas. Ou alors il a dit qu'il s'éloigne de notre mosquée et qu'il reste chez lui, à l'intérieur de sa maison, rapporté par Al-Bukhari. La recommandation de venir tôt à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient le mérite, le bienfait, la valeur qu'il y avait dans l'adhan, dans l'appel à la prière, et dans le premier rang de la mosquée, il serait même prêt à faire un tirage au sort pour savoir qui sera désigné pour pouvoir faire l'adhan, tellement qu'il y a de mérite dedans. Il s'empresserait d'être le premier pour le faire, d'être le premier pour être parmi les gens du premier rang. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. La dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à dire pour celui qui va à la mosquée, dans ton trajet, et toi tu te diriges vers la mosquée, la dua que vous avez entendue, ô Allah, mets dans mon cœur de la lumière, dans ma vue de la lumière, dans mon ouïe de la lumière, à ma droite de la lumière, à ma gauche de la lumière, au-dessus de moi de la lumière, en dessous de moi de la lumière, devant moi, face à moi de la lumière, derrière moi de la lumière, et mets de la lumière en moi. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les du'as à dire en entrant et en sortant de la mosquée. En entrant de la mosquée, au nom d'Allah, et que la salutation et la prière soient sur le messager d'Allah. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et en sortant de la mosquée, au nom d'Allah, que la prière et la salutation soient sur le messager d'Allah. Oh Allah, je te demande de tes bienfaits. La recommandation d'entrer à la mosquée par le pied droit et d'en ressortir par le pied gauche. La recommandation, pour certains savants, c'est même une obligation, un devoir, d'accomplir les deux rak'at qu'on appelle les salutations de la mosquée. Pour la personne qui vient d'entrer dans la mosquée, qui ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas accompli cette prière. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il accomplisse deux rak'ah avant de s'asseoir. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée le jour du vendredi et que l'imam est en train de faire la khutba, il est en train de faire son prêche, alors qu'il accomplisse les deux rak'at et qu'il les raccourcit, c'est-à-dire qu'il ne les fait pas trop longues. اللهم ردنا إلى دينك ذا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.